Bonjour à toutes et à tous, je suis Ina, conseillère en style, convaincue que s'habiller, c'est s'exprimer. Vous écoutez l'émission « Le passé habille le présent » et aujourd'hui, nous allons voyager ensemble dans l'univers de Coco Chanel. Je vous invite à me retrouver sur Radioactive régulièrement pour parler de la mode à travers le temps. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une véritable légende de la mode, Gabrielle Chanel. Coco. Tout à fait. Ça. Elle est plus connue sous le nom de Coco Chanel. La dernière fois, on s'est plongé ensemble dans l'histoire de la mode jusqu'au 19e siècle, mais cette fois, on change de perspective. Je voudrais vous amener à la découverte de celles et ceux qui ont bouleversé notre façon de nous habiller et dont les créations continuent d'habiter nos dressings, même des décennies plus tard. Donc, Coco Chanel. On la connaît souvent à travers les films ou les reportages qui insistent sur son caractère bien trempé ou sur les zones d'ombre de sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cette version-là que je veux partager. J'ai envie de vous parler d'une femme qui a réussi à se réinventer, qui a transformé les obstacles en opportunités et qui, grâce à des rencontres décisives et des choix audacieux, a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la mode. Ça, on peut dire que s'il y a bien un nom qui est connu dans le domaine de la mode, hein, je pense que si on fait le quiz auprès des Français, dites-nous un nom qui parle en matière de mode, Coco Chanel. Tout à fait. Coco Chanel, on la voit en fait partout. Mmh. Les sacs... C'est ça, c'est des cosmétiques, c'est du parfum. Et le parfum, oh là oui. Là, je me souviens, parce qu'à l'époque, j'habitais en Union soviétique, et toutes les femmes voulaient absolument... Porter du Chanel. Porter du Chanel 5. Oh oui. Ah, Chanel numéro 5, le parfum de Marilyn Monroe. C'est ça que je vais mentionner plus tard aussi. Bon, on va pas tout dévoiler. Alors, donc, Gabrielle Chanel est née en 1883 à Saumur. Ah bon ? Tiens donc, en Anjou. Tout à fait, ce n'est pas très loin de chez nous. Dans une famille de forains. Donc, elle se déplaçait beaucoup avec ses parents. Et quand elle avait 12 ans, sa mère meurt brutalement. Son père, incapable de s'occuper de tous ses enfants, il en avait 5, envoie les garçons travailler et place ses filles dans un orphelinat tenu par des sœurs à Aubazine. C'est en Corrèze. Mmh. Alors, petite parenthèse intéressante. Certains journalistes ont enquêté sur cette période et doutent même qu'elle ait vraiment été placée. Visiblement, Chanel a réécrit pas mal d'histoires sur son enfance. Elle affirmait, par exemple, que son père était parti travailler aux États-Unis, une version très romancée de la réalité. Mmh. Et elle voulait un petit peu enjoliver l'histoire, sans doute. Oui, je pense qu'elle voulait mettre son père sur le piédestal et avoir cette belle histoire que son papa l'aimait beaucoup. Mmh. C'est pour ça qu'il peut-être cherchait aussi l'amour des hommes. Oui, c'est souvent lié, oui. Quoi qu'il en soit, elle reste dans cet orphelinat jusqu'à ses 18 ans. L'endroit n'a rien de joyeux, mais il y a un point très positif. Les sœurs lui apprennent à coudre. Et cette compétence va littéralement changer sa vie. À sa majorité, Gabrielle quitte Aubazine pour Moulins, où elle trouve un poste de couturière, mais elle voit plus grand. Elle rêve d'une autre vie, loin de la pauvreté, et se lance dans le champ pour tenter sa chance. Le premier pas de Gabrielle dans la vie artistique, c'est un emploi de chanteuse dans un cabaret. Mais malheureusement, elle n'avait pas vraiment de talent pour ça. Elle chantait seulement deux petites chansons entre les numéros des chanteurs principaux. La première s'appelait Cocorico et la deuxième, Qui a vu Coco à Trocadéro. Ah, donc on imagine un petit peu comment elle choisit son nom d'artiste. Tout à fait. C'est grâce ou peut-être à cause de ces chansons que le public a commencé à l'appeler Coco. Un surnom qui restera avec elle pour toujours. Elle aimait raconter différentes versions de son histoire, affirmant parfois que c'était son père qui l'avait surnommée Ancy. Même si elle chantait faux, Chanel avait un charisme fou. Elle dégageait une énergie unique, un style qui la rendait inoubliable. Et elle savait attirer facilement l'attention des hommes. Mm-hmm. C'est dans ce café-concert que Gabrielle Chanel rencontre Étienne Balzan, un riche héritier passionné de courses hippiques, qui devient son amant. En 1906, Coco accepte son invitation et le suit à Compiègne. Mmh, tout près de Paris, donc. Tout à fait, un petit peu au nord de Paris. Elle découvre alors qu'elle est montée à cheval, mais que les jupes imposées aux femmes sont peu pratiques. Eh oui. Oui, effectivement. J'imagine. Déjà, monter le cheval, c'est pas simple, mais avec la jupe, les jambes du même côté sur le cheval, c'est pas évident. Pour plus de confort, elle commence à créer ses propres tenues, plus masculines et fonctionnelles. C'est là qu'apparaît le style androgène qui marquera toute sa carrière. Dans le château de Balzan, Coco n'a pas beaucoup d'occupation. Alors, elle commence à décorer ses chapeaux à sa façon. Les invités remarquent ses créations et lui demandent d'en faire pour elle. Elle se rend compte que travailler pour les femmes riches et valorisant est très rentable. Oui, on imagine. elle a vu tout de suite, mais elle avait raison. C'est le déclic. Gabrielle décide d'ouvrir sa propre boutique. Mm-hmm. Son amant, à ce moment-là, Balzan, n'est pas d'accord, mais son ami Arthur Edward Boy, c'est son surnom, Capel, ou Capel, si on parle un petit peu anglais, un riche homme d'affaires britannique, la convainc de se lancer. Boy devient rapidement son amant et surtout son mécène, la soutenant financièrement et moralement dans son ambition de conquérir le monde de la mode. Mmh. Il restera le seul véritable amour de Coco. Il a eu bon nez quand même de l'encourager, parce que quand on voit la carrière qu'il y a eu derrière... Ouais, je pense qu'il a bien senti. Hein. Ouais, ouais, ouais. Heureusement d'ailleurs, hein, parce qu'il a quand même changé la mode. Absolument. Donc son premier amant, Étienne Balzan, reste un ami fidèle et lui prête un appartement à Paris. Oh, bah, il est plutôt compatissant, ouais. Une bonne patte. Je pense qu'elle a eu vraiment de la chance avec des hommes. Oui. Pas avec son père, mais la suite était meilleure. Et grâce à Boy Capel, Chanel ouvre son premier magasin de chapeaux et il l'aide à développer son réseau. Il la présente à une actrice qui porte ses créations sur scène, ce qui attire l'attention des journaux de mode. Encouragée, Chanel ouvre ensuite un autre magasin à Deauville. Ah, oh bah tiens. Ouais, je pense que c'était une bonne solution. Hein. Voilà, puis on est quand même sur une clientèle aisée. Oui, je pense que les prix étaient assez élevés, mais il avait raison. Plus on monte les prix, et plus on donne la valeur à ceux qui ont fait. Et oui. Et cette actrice que tu mentionnais, on sait qui c'est, non ? Ça n'est pas précisé. Alors, je n'ai pas noté son prénom et son nom, parce que personnellement, je ne la connais pas. D'accord. C'était une actrice, je pense, qui est de théâtre de l'époque. Hein. D'accord. Voilà. Donc, à Deauville, elle commence à proposer des tenues inspirées de la vie quotidienne, comme la marinière bretonne, inspirée des vêtements des marins. C'est Coco Chanel, ça, la marinière ? Et oui. C'est incroyable. On ne peut même pas penser, quand j'ai fait ma recherche, j'ai vu les photos de Coco Chanel, justement habillée de pantalon, et la marinière. Tiens, c'est donc extraordinaire. J'adore. Elle l'a ressortie, peut-être, parce que la marinière bretonne, ça date... En fait, ce qu'elle faisait, Coco Chanel, elle n'était pas comme tous les autres couturiers. Parce que les autres couturiers s'inspiraient plus de tout ce qui est art, en fait, ou de leur vie passée, parce que, quelquefois, les parents ou les grands-parents étaient déjà dans la mode, dans la couture, dans la création. Mmh. Tandis que Coco, elle vient d'une famille vraiment très pauvre. Elle était alors orphelinat. Donc, elle s'inspirait vraiment de la vie quotidienne. Mmh, d'accord. Pour elle, elle inventait des vêtements qui lui convenaient, qui était confortable. Et c'est ça ce qu'elle souhaitait, de sentir cette liberté, en fait. Alors, quand on voit Jean-Paul Gaultier avec la marinière, c'est très souvent quand même. C'était sa tenue phare. C'est ça. À Jean-Paul Gaultier, c'était une référence à Coco Chanel. Bah, je pense qu'il y a de ça. Il faut que je cherche, que je fasse ma petite recherche sur Jean-Paul Gaultier, justement. Mais je pense que ce qui s'est passé, c'est Chanel qui l'a mis en route, je pense. Et c'est Jean-Paul Gaultier qui a vraiment l'a mis sur le piédestal. Il s'est dit, je vais surfer sur la vague. Tout à fait. D'accord. Et en plus, voilà, comme elle était en Bretagne, elle s'est inspirée de ce vêtement, vêtement marin. Alors, son amant, Capel, lui conseille également d'ouvrir une boutique à Biarritz, fréquentée par l'élite française et espagnole. Cela a été pendant la Première Guerre mondiale et Biarritz n'a pas été touchée par cette guerre. C'est là que Coco découvre le jersey, tissu confortable, rare à l'époque, et commence à créer des maillots de bain, inspirés des pêcheurs locaux et portés par elle-même, sa sœur et sa tante. La publicité était faite. Elle crée aussi des cardigans et plus tard des robes de soirée élégantes. Donc, on peut dire que la Première Guerre mondiale joue en sa faveur. Puis elle était jeune, là, parce que tu nous as dit qu'elle est de 1883, Coco Chanel. C'est donc, ça. Première Guerre mondiale, elle est quand même assez jeune. C'est ça. Belle carrière, déjà. Belle carrière. Mais je pense qu'elle a bien profité de sa jeunesse, justement, de tout mettre en place. Et après, elle maintenait et elle rajoutait d'autres créations. Elle n'avait plus qu'à en profiter, après. Tout à fait. Ina, je te propose qu'on s'imprègne un petit peu de l'univers de Coco en écoutant un morceau de la bande originale du film Coco avant Chanel, un film de 2009 où Coco Chanel est interprétée par Audrey Tautou. Est-ce que tu l'as vu, ce film ? Non, je ne l'ai pas vu, mais j'ai hâte de le voir. Je vais essayer de le faire ce soir même. Eh bien, écoute, en attendant, on va écouter un petit morceau. Je crois que c'est un medley hein, où on retrouve plusieurs musiques qu'on retrouve dans le film. J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue, mon plus grand gré. Dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle. Vous n'auriez pas vu Coco, Coco dans le Trocadéro. Messieurs, on ne paie qu'en sortant. Je suis la torpille électrique. C'est merveilleux, c'est épatant. Quand on me touche, on s'électrise. J'en ai vu des jeunes, des vieux tomber à mes pieds dans une crise. En me faisant de petits yeux, je suis femme torpille, pille, pille. Je me tortille, tille, tille. En me touchant, faites attention, vous recevrez une commotion. C'est fantastique, tique, tique. Très mature pour de petits jeux, flamberait comme de la madou. Avez-vous eu pensé? Et voilà! Qu'est-ce que tu en penses, Ina ? C'était donc, pour les auditeurs qui nous rejoindraient tout juste maintenant, un morceau de la BO du film Coco avant Chanel, un film de 2009. Oui, j'ai bien aimé. Je comprends d'où ça vient son surnom Coco. Et donc, comme je disais, la Première Guerre mondiale joue en sa faveur. Les femmes, justement, recherchent des vêtements pratiques et confortables et Coco a exactement ce qu'il faut. En plus, j'ai envie de mentionner cela, si elle a créé les maillots de bain parce que, en fait, elle adorait prendre le bain de soleil. Et elle adorait se bronzer, en fait. Et à l'époque, ce n'était pas quelque chose de très répandu parce que l'élite française, espagnole, les aristocrates privilégiaient la peau blanche. Donc, grâce encore, je reviens sur ce que j'ai déjà dit, c'est pour elle qu'elle criait. Tout ce qu'elle criait, c'était par rapport à ce qu'elle souhaitait, ce qu'elle aurait aimé. Oui, comme le fait de masculiniser un petit peu les tenues pour être plus à l'aise à cheval. Et voilà. Tu nous disais dans la précédente émission, tu faisais référence aux habits justement que les femmes portaient pendant que les maris étaient partis faire la guerre et qu'au retour des maris, elles ont renfilé les robes. C'est tout à fait ça. Et donc, du coup, Coco Chanel, elle a permis aux femmes d'avoir des habits plutôt masculins. Enfin, quoique là, non, c'était plutôt pour une élite de gens plus riches. C'est ça, c'est pour élite qui n'était pas habituée, qui portait encore les robes, pas déjà les corsets, mais quand même les robes bien taillées, bien garnies, avec des fleurs, avec la décoration. Elle a voulu juste une mode simple, confortable, minimaliste. Et je pense qu'elle a bien réussi. Okay. Et donc, après la guerre, elle revient à Paris et s'installe à l'hôtel Ritz. Malheureusement, son grand amour, Boy Capel, meurt dans un accident de voiture. Ah. Dévastée, Coco trouve du réconfort auprès de Missia Serre, une amie et muse des artistes de la Belle Époque, qui l'invite à Venise lors de son voyage de noces. C'était une vraie amie. Mm-hmm. Parce qu'elle, elle se mariait en fait avec Monsieur Serre, un artiste, un peintre, et elle invite Chanel parce que elle passait une mauvaise période après le décès de Capel. D'accord. Et donc là, Chanel découvre l'art, l'architecture, et tombe sous le charme du symbole du lion, qu'elle adoptera comme porte-bonheur. Un détail qui l'amènera plus tard à créer le fameux numéro 5. Mmh. Il faut dire aussi qu'elle, elle est née au mois d'août, donc elle est aussi de signe d'horoscope. Du lion. De lion. Oui. De retour à Paris, Coco entre dans le cercle de l'élite artistique. Diaghilev, Cocteau, Picasso, Stravinsky, avec qui elle partage certaines aventures. Elle soutient financièrement Diaghilev et même organise son enterrement quand elle est décédée. Preuve de son engagement et de son influence dans le monde artistique. En 1923, elle rencontre Duc de Westminster. Mmh. Il était l'un des hommes les plus riches et influents d'Angleterre. Et leur relation a duré près de 10 ans, faisant d'elle bien plus qu'une simple compagne. Ah. Elle a partagé son univers mondain, ses cercles aristocratiques et ses voyages. Il lui offrait des cadeaux somptueux comme un collier de perles légendaires. Et aussi, j'ai trouvé une belle villa. Je ne me souviens plus dans quel endroit, mais c'était pas mal comme petite cadeau. Chose, quoi. Voilà. Mmh. Bon, je pense qu'elle était déjà habituée à ce type un de cadeau. Un peu de luxe, oui. Mais je ne savais pas qu'elle avait côtoyé la famille royale d'Angleterre, du coup. Et pendant 10 ans. Un sacré bout de temps, oui. Mmh. D'accord. Je vais continuer parce que leur histoire n'a pas été finie. Mmh. En fait, comme on voit, chaque homme a influencé en fait, sur ses créations. Mmh. Ou chaque relation a aidé à Coco Chanel de créer, de se lancer. Voilà, elle a eu et le soutien et aussi des idées grâce à toutes ces relations qu'elle a vécues pendant sa vie. Mmh. Et justement, cette période avec le duc a profondément influencé la mode Chanel. Elle s'inspire du vestiaire masculin britannique, veste structurée, tailleur, et d'ailleurs, tweed devient la signature de sa maison. Aujourd'hui, quand on parle de Chanel, un petit tweed, on le voit tout de suite, surtout actuellement, il est très à la mode. Le duc voulait l'épouser, mais elle a refusé. Ah oui ? Eh oui, elle disait, il a beaucoup de duchesses de Westminster, mais une seule Coco Chanel. Oh, voyez-vous ça. Oh, une femme de caractère. Hein. Oui, en effet. Chanel, ensuite, rencontre le grand duc, Dimitri Pavlovitch Romanov. Donc, elle a aussi une relation quand même avec la Russie. Oui. Donc, ce grand duc est cousin du dernier tsar Nicolas II. Et ah oui. Elle habite à Paris. Donc, elle l'a rencontré à Paris. C'était après la Révolution qu'ils ont immigré vers la France. Donc, elle laisse tomber le duc de Westminster pour aller avec un autre duc qu'elle aimait bien. Bon, et le préféré même un petit peu. D'accord. Si j'ai bien compris quand j'ai fait mes recherches. Bien fait, alors. Alors, leur relation fut courte, à peu près un an, mais passionnée. Dimitri l'introduit dans les cercles de l'aristocratie russe en exil, très présent à Paris à cette époque. Donc, grâce à lui, Chanel découvre l'art, les icônes, les tissus, les broderies et les parfums de la Russie impériale. Tout cela inspire ses créations. Et d'ailleurs, la sœur de Grand-Duc, la duchesse Maria, avec d'autres femmes russes immigrées, ont fait de la broderie d'une collection des robes Chanel. Mm-hmm. Donc c'est elle qui en fait la broderie et elle a présenté cette collection à l'époque. Et c'est très joli. Quand j'ai trouvé sur Internet les photos, c'est sobre, c'est pas très voyant, éclatant, on va dire. C'est vraiment sobre, mais avec la broderie. Tu nous en passeras une qu'on puisse la poster avec le podcast, que nos auditeurs puissent se faire une idée. Super. D'accord. Oui, je le ferai. Alors, c'est aussi Dimitri qui lui présente Ernest Beau, un ancien parfumeur de la cour impériale russe. Chanel lui demande de lui faire un parfum. Elle voulait créer un parfum pour qu'une femme ne sente pas comme une rose, mais comme une femme. Elle voulait mélanger plusieurs arômes des fleurs. Monsieur Beau lui fait plusieurs propositions et s'arrête au numéro 5. Et c'était son numéro fétiche. Donc, ensemble, ils ont créé le mythique Chanel numéro 5. D'ailleurs, le double C, entrelacé, apparaît pour la première fois sur les flacons de ce parfum, Chanel numéro 5. Ah. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mythes aussi autour de ce double C. On dit que peut-être c'est Coco Chanel, CC. Après, on a dit, quand elle était à l'orphelinat avec les sœurs et sous les vitres, il avait CC aussi, mais il fallait vraiment les chercher et voir. Et il y en a d'autres qui disent aussi que peut-être c'est son amour Capelle et elle aussi, CC. Mais bon, on va rester sur Coco Chanel, CC. Ça peut avoir plusieurs significations quelque part. Tout à fait. De toute façon, la vie de Coco Chanel, même s'il a beaucoup de faits, des vrais, mais il a pas mal de légendes autour de sa vie. Mais oui, elle était longue en plus. Alors ensuite, en 1926, Chanel crée sa première petite robe noire. La presse américaine la surnomme aussi la Ford Chanel, comme la voiture Ford T. Elle est sobre, pratique, accessible et universelle. Elle devient l'uniforme de l'élégance féminine. Chic sans effort, intemporel, toujours adapté. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, elle existe toujours. On a la petite robe noire. La petite robe noire. Et qu'on aime bien. C'est le classique. C'est ça. Ça fait partie des choses à avoir dans son dressing. Tout à fait. Tout à fait, mais pas pour tous. Peut-être Elena, qui la couleur noire ne va pas très bien. C'est pour ça que dans ce style-là, on a créé d'autres robes, d'autres couleurs. Mm-hmm. Et donc, dans les années 1960, c'est Audrey Hepburn l'immortalise dans Breakfast at Tiffany's, ce qui est en fait un symbole mondial. Vers 1931, à un moment où Chanel est déjà une créatrice mondialement reconnue, rencontre Paul Irib. Ah, un nouvel amant. Oui. Sa vie était remplie des amants et de créations. C'est un illustrateur, caricaturiste et décorateur français. Leur relation devient très vite fusionnelle, mêlant amour, amitié, inspiration et ambition. Ils créent ensemble une collection de bijoux. En 1935, Paul Irib meurt d'un arrêt cardiaque. Oh, peu de chance, décidément. Apparemment, il a divorcé pour épouser Coco Chanel. Ah. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale, ce que je ne vais pas aborder, parce que, voilà, dans cette émission, je n'ai pas envie de toucher cette période sobre de la vie de Coco Chanel. Donc, à la Libération, la maison Chanel ferme ses portes. Coco s'éloigne alors du monde de la mode pendant plusieurs années. Elle ne reviendra sur le devant de la scène qu'en 1954, marquant son grand retour dans la mode. Si elle ne brille plus sur la scène parisienne, considérée comme dépassée par la nouvelle génération de couturiers, son prestige demeure intact aux États-Unis, où son style intemporel continue de séduire. Aux États-Unis, Chanel incarne l'élégance absolue. On sait l'histoire de Jackie Kennedy en tailleur tweed. Et on se souvient aussi ce qu'a dit Marilyn Monroe, que elle la nuit, il lui suffisait juste quelques gouttes de Chanel numéro 5. Est-ce que, je fais une petite parenthèse, Ina, mais tu l'as senti, toi, ce parfum ? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, objectivement ? C'est trop sucré pour moi. Ouais. Moi non plus, il est trop fort. Oh, oui. Et j'ai jamais compris. ça me rassure. je sais que quand je voyage, on me demande de ma famille, en fait, est-ce que tu peux m'apporter Chanel 5 ? Ouais. Je dis, est-ce qu'ils ont senti déjà ? peut-être que ça leur plaît. Hein. Moi, je n'ai pas le droit de critiquer parce qu'effectivement, on a tous nos goûts. La petite robe noire, par exemple, je trouve plus agréable en tous c'est les ça. Cas. Bon. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais moi, je ne le trouve pas. Il ne m'a pas séduit, ce parfum. Non, moi non plus. Mais je pense que c'est aussi une autre génération. Mmh. Aujourd'hui, on est plus dans la douceur, plus dans la sobriété. C'est de neuf qu'il portait aussi, qui se revendiquait Chanel ça, aussi. Chanel 5. Déjà, oui, quand on voit la publicité de Chanel 5, on voit tout de suite les actrices de l'autre fois, les grandes actrices. C'est ça, parce que là, après, quand tu disais dans les années, en 54, là, c'était à l'époque la prospérité pour elle. C'est ça. Et elle avait une soixantaine d'années à cette époque-là. C'est ça. En fait, il a une autre histoire avec le parfum Chanel 5, parce qu'en fait, elle avait besoin de finances et aussi, pas tout à fait de finances, mais de l'aider, en fait, à faire du marketing, comme on dirait aujourd'hui, pour faire la publicité de ce parfum. Et je ne me souviens plus de nom. C'est un Français d'origine juive qui lui a proposé de faire la publicité. Et donc, elle gagnait que 10% de ce parfum. Mais c'est même lui quasiment qui lui avait piqué les droits, quoi, en fin de compte. Il avait tous les droits et il ne pouvait plus rien faire. Hein. Donc, leur union commerciale donne naissance au parfum Chanel, détenu entre 70, en fait, au début, et après à 90% par les deux frères, Paul et Pierre Wertheimer. Ils ont fait une bonne affaire, eux. Tout à fait. Et c'est eux qui assument tous les risques financiers aussi. Voilà, ça c'est une autre histoire qui est très complexe, donc je ne vais pas la développer aujourd'hui. Très bien. Un jour on fera quelque chose sur les parfums et je vais mentionner. Et on en reparlera, d'accord. Voilà. On se le note dans un coin. C'est ça. Et voilà, Coco Chanel, elle meurt à l'âge de 87 ans, belle vie. Le 10 janvier 1971, dans sa suite du Ritz. Même au crépuscule de sa vie, elle travaille encore. Son départ clôt un chapitre de la mode, mais son esprit continue d'inspirer le monde entier. Il a beaucoup de phrases très connues que Coco Chanel a exprimées, même il a un petit livre qu'on a écrit avec ses petites phrases. Et une de ces phrases que j'ai bien aimée, je vais le lire. « Le succès est souvent obtenu par ceux qui ne savent pas que l'échec est inévitable. » Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Il faut avancer et ne pas penser en fait ce qui peut se passer. Et oui, prendre des risques. C'est ça. Donc voilà, notre voyage à travers l'histoire s'achève pour aujourd'hui. Je suis Ina, conseillère en style, et c'était votre émission Le passé habille le présent. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Radioactive pour un nouveau thème. Merci Ina, merci beaucoup et à la prochaine fois. À la prochaine, au revoir Marlène.